Une question qui me fait rire, moi. Qu'est-ce que veut dire le règlement en prison? Ben, il diffère d'un jour à l'autre, d'un agent à l'autre, et de l'humeur d'un agent à l'autre. Agent, c'est une étoile jusqu'à plusieurs étoiles, barrettes. Voilà, je ne vais pas dire du mal des gens, mais parfois j'entends que ça tourne mal et je trouve ça bien dommage. Il y a des cris qui sont poussés, des cris qui sont injustement poussés, et je pense que l'uniforme donne, c'est le prestige de l'uniforme et ça donne un certain pouvoir. Qui n'est pas nécessairement très malin de cette forme de pouvoir, d'abus de pouvoir n'est pas intelligent de donner en prison parce que en fait on en rigole, voilà. Bien sûr, on risque un rapport, etc. Mais derrière, on se fout de la gueule de ces personnes qui ont leur crise d'autorité parce qu'elles sont bien dans leur petit bleu de travail. Pardon. Tout à fait.